Chapitre 19. Conclusion. Si le monde ne se composait pas d'une race de misérables ingrats qui prennent leur part de votre prospérité tant qu'elle existe, et même, tout gorgés de votre venaison et de votre vin de Bourgogne, médisent du généreux amphitryon, je suis sûr que j'aurais un nom excellent et une haute réputation, en Irlande du moins, où ma libéralité fut sans bornes, et où la splendeur de ma maison et de mes fêtes n'était égalée par aucun autre seigneur de mon temps. Tant que dura ma magnificence, tout le pays fut libre de la partager. J'avais dans mes écuries assez de chevaux de chasse pour monter un régiment de dragons et des tonneaux de vin de quoi griser des comtés entiers pendant des années. Castle Lindon était devenu le quartier général d'une foule de gentilshommes besogneux et je n'allais jamais à la chasse sans avoir une douzaine de jeunes gens des meilleures familles du pays pour écuyer et veneur. Mon fils, le petit Castle Lindon, était un prince. Son éducation et ses manières, si jeune qu'il fût, étaient dignes des deux nobles familles dont il descendait, et je ne sais pas quelles espérances je ne fondais pas sur cet enfant, quelles idées je ne me faisais pas de ses succès futurs et de la figure qu'il ferait dans le monde. Mais le cruel destin avait décidé que je ne laisserais personne de ma race après moi, et arrêté que je finirais ma carrière telle que je la vois près de se fermer, pauvre, solitaire, sans enfant. Je puis avoir eu des défauts, mais personne n'osera dire de moi que je ne fus pas un bon et tendre père. J'aimais cet enfant passionnément, peut-être avec une aveugle partialité, je ne lui refusais rien. Avec joie, je le jure, je serais mort pour détourner de lui cette fin prématurée. Je ne crois pas qu'il se soit passé un jour depuis que je l'ai perdu, sans que sa radieuse face et son joli sourire m'aient apparu du haut des cieux où il est, et sans que mon cœur se soit élancé vers lui. Ce cher enfant me fut enlevé à l'âge de 9 ans, en pleine beauté, en pleine promesse, et son souvenir s'est gravé si fortement dans mon âme que je n'ai jamais pu l'oublier. Sa petite ombre revient la nuit à mon chevet sans repos et solitaire. Maintes fois, au milieu de la plus ardente, de la plus folle compagnie, quand la bouteille circule et que retentissent les chansons et les éclats de rire, je pense à lui. J'ai en ce moment même une boucle de ses doux cheveux bruns suspendus à mon cou. Elle m'accompagnera à l'humiliante fosse du pauvre où bientôt, sans doute, seront déposés les vieux os usés de Barry Lyndon. Mon Brian était un garçon d'une énergie étonnante. Et en effet, venant d'une telle souche, pouvait-il en être autrement? Impatient de mon autorité même, contre laquelle il arrivait souvent au cher petit vaurien de se révolter vaillamment, et à plus forte raison de celle de sa mère et des femmes, dont les tentatives de contrôle ne lui inspiraient que rire et mépris. Ma propre mère elle-même, Mistress Barry de Lyndon, comme s'appelait à présent la bonne âme par compliment pour ma nouvelle famille, était tout à fait incapable de le tenir en bride. Et vous pouvez vous figurer d'après cela quelle volonté il avait. Sans cela, il serait probablement encore en vie. Il pourrait... Mais à quoi bon se lamenter? N'est-il pas dans un lieu meilleur? L'héritage d'un mendiant lui serait-il d'aucune utilité? La chose est mieux comme elle est. Que le ciel soit bon pour nous, hélas. Faut-il que moi, son père, je sois restée pour le pleurer? C'était au mois d'octobre que j'avais été à Dublin pour voir un homme de loi et un capitaliste qui était venu en Irlande pour se consulter avec moi au sujet de ventes que j'avais à faire et de la coupe des bois de Acton, dont, tant parce que je détestais l'endroit que parce que j'avais grand besoin d'argent, j'étais déterminée à abattre jusqu'au dernier arbre. La chose avait présenté quelques difficultés. On disait que je n'avais pas le droit d'y toucher. Ces brutes de paysans autour du domaine en étaient venus à un tel degré d'animosité contre moi que les gredins refusaient littéralement d'employer leur cognée contre les arbres et que mon agent, ce gueux de Latkins, déclara que sa vie était en danger parmi eux s'il tentait davantage de dilapider, comme il disait, la propriété. Tout notre magnifique mobilier avait été vendu à cette époque, je n'ai pas besoin de le dire, et quant à la vaisselle plate, j'avais pris grand soin de l'emporter en Irlande, où elle était dans les meilleures mains possibles, celle de mon banquier, qui avait avancé dessus 6 000 livres, somme dont j'eus bientôt besoin. J'allais donc à Dublin pour y rencontrer ces hommes d'affaires anglais, et je réussis si bien à persuader M. Splint, grand constructeur de vaisseaux et marchand de bois de construction de Plymouth, de mes droits sur le bois de Hacton, qu'il convint de me l'acheter à vue de nez environ un tiers de sa valeur, et il me remit 5 000 livres, qu'étant alors accablé de dettes, je fus bien forcé d'accepter. Il n'eut pas, lui, de difficulté à abattre le bois, je vous en réponds. Il prit un régiment de charpentiers et scieurs de long de ses chantiers et de ceux du roi à Plymouth, et, en 2 mois, le parc de Hacton fut aussi dénué d'arbres que le marais d'Allaine. Cette maudite expédition me porta malheur. Je perdis la plus grande partie de mon argent au jeu en 2 nuits chez Daly, en sorte que je me trouvais juste aussi endetté que ci-devant, et le vaisseau qui emportait mon vieux filou de marchand de bois n'avait pas fait voile pour Holyhead, que déjà, de l'argent qu'il m'avait apporté, il ne me restait qu'une couple de 100 livres, avec lesquels je m'en retournais chez moi fort désolé, et fort subitement aussi, car mes fournisseurs de Dublin étaient acharnés après moi, ayant su que j'avais dépensé la somme reçue, et 2 de mes marchands de vin avaient des prises de corps contre moi pour plusieurs milliers de livres. J'achetai à Dublin, toutefois, suivant ma promesse, car lorsque je fais une promesse, je la tiens à tout prix. J'achetai un petit cheval pour mon cher petit Brian, comme cadeau pour le 10e anniversaire de sa naissance qui allait arriver. C'était une magnifique petite bête, et elle me coûta gros. Je n'ai jamais regardé à l'argent quand il s'est agi de ce cher enfant. Mais elle était très sauvage. Elle jeta par terre un de mes garçons d'écurie, qui fut le premier à la monter, et lui cassa la jambe. Et quand je me chargeai moi-même de la ramener à la maison, il fallut mon poids et mon adresse pour la faire tenir tranquille. Quand nous fûmes arrivés, j'envoyai mon cheval par un de mes palefreniers chez un fermier pour le dresser à fond, et je dis à Brian, qui se mourait d'envie de voir son petit cheval, qu'il l'aurait pour son jour de naissance, où il chasserait dessus avec ma meute, et je ne me promis pas peu de plaisir de lui faire faire ce jour-là son début sur le terrain, où j'espérais le voir primer par la suite à la place de son tendre père. Hélas, ce noble enfant ne devait jamais chasser le renard, ni prendre, parmi les gentilshommes de son pays, la place que lui assignait sa naissance et son mérite. Quoique je ne croie ni aux rêves ni aux prédictions, cependant, je ne peux pas ne pas reconnaître que, lorsqu'un homme est menacé d'une grande calamité, il en a souvent d'étranges et terribles présages. Je m'imagine en avoir eu plusieurs alors. Lady Lyndon, particulièrement, rêva 2 fois que son fils était mort. Mais comme elle était devenue extraordinairement nerveuse et sujette aux vapeurs, je traitais ses craintes avec mépris, et les miennes aussi, comme de juste. Et, dans un moment d'abandon, tout en buvant après dîner, je dis au pauvre Brian, qui me questionnait toujours au sujet du petit cheval et du jour où il devait venir, qu'il était arrivé, qu'il était à la ferme de Doulan, où Mike, le groom, le dressait. « Promettez-moi, Brian, s'écria sa mère, que vous ne monterez le cheval qu'en compagnie de votre père. » Mais je me bornai à dire « Ma madame, vous êtes un âne !» Étant irrité de sa sotte timidité, qui maintenant se montrait toujours de 1000 manières désagréables. Et, me tournant vers Brian, je dis « Je promets à votre seigneurie une bonne correction si vous le montez sans ma permission. » Je suppose que le pauvre enfant ne s'effraya pas d'acheter à ce prix le plaisir qu'il se promettait, ou qu'il pensa peut-être bien qu'un tendre père lui ferait remise entière de la peine, car le lendemain matin, quand je me levai, un peu plus tard, ayant passé la nuit à boire, j'appris que l'enfant avait décampé au point du jour, s'étant glissé par la chambre de son gouverneur. C'était Redmond Quinn, notre cousin, qui était venu vivre chez moi, et je n'eus pas de doute qu'il ne fût allé à la ferme de Doulan. Je pris un grand fouet de cheval et galopais après lui en fureur, jurant de tenir ma promesse. Mais, que le ciel me pardonne, j'y songeais peu, lorsqu'à 3 000 du château je vis venir à moi une triste procession, des paysans gémissant et hurlant comme font nos Irlandais, le cheval noir mené en laisse, et, sur une porte dont on avait fait une civière, mon pauvre cher, cher petit garçon. Il était là, gisant dans ses petites bottes à éperons et dans son petit habit écarlate et or. Sa chère face était toute blanche, et il sourit en me tendant la main et dit péniblement « Vous ne me donnerez pas le fouet, n'est-ce pas, papa ?» Je ne pus que fondre en larmes pour toute réponse. J'avais vu mourir bien des gens, et il y a dans les yeux un regard sur lequel on ne peut se méprendre. Il y avait un petit tambour que j'aimais qui fut atteint devant ma compagnie à Kunersdorf. Quand j'accourus lui donner de l'eau, il avait exactement le même air qu'avait maintenant mon cher Brian. Il n'y a pas à se tromper sur cette terrible expression des yeux. Nous le portâmes à la maison et cherchâmes partout des médecins pour examiner sa blessure. Mais à quoi sert un médecin dans une lutte avec le sombre, l'invincible ennemi? Ceux qui vinrent ne purent que confirmer notre désespoir par le rapport qu'ils firent sur l'état du pauvre enfant. Il avait monté vaillamment son cheval, s'était tenu en selle avec intrépidité, en dépit de tous les plongeons et de toutes les ruades de l'animal, et, ayant dompté son premier mauvais vouloir, il lui fit sauter une haie au bord de la route. Mais il y avait au milieu des pierres, et le pied du cheval se prit dedans, et lui et son beau petit cavalier roulèrent ensemble par-dessus. Les témoins dirent avoir vu le noble petit garçon se relever soudain après sa chute et courir après le cheval qui s'était enfui après lui avoir donné un coup de pied dans le dos, à ce qu'on crut voir tandis qu'ils étaient par terre. Le pauvre Brian courut quelques pas et puis tomba, comme frappé d'une balle. Son visage devint tout pâle et on le crut mort. Mais on lui versa du whisky dans la bouche et le pauvre enfant se ranima. Cependant, il ne pouvait pas bouger, l'épine dorsale était endommagée et la partie inférieure de son corps était morte quand on le mit au lit. Le reste ne dura pas longtemps. Dieu m'assiste. Il demeura encore 2 jours avec nous et ce fut une triste consolation de penser qu'il ne souffrait pas. Durant ce temps, le caractère du cher ange parut tout à fait changé. Il demanda pardon à sa mère et à moi de tous les actes de désobéissance dont il avait pu être coupable envers nous. Il dit souvent qu'il aimerait avoir son frère Bullingdon. « Bully valait mieux que vous, papa, » dit-il. « Il ne jurait pas tant, et il me contait et m'apprenait beaucoup de bonnes choses quand vous n'étiez pas là. » Et, prenant la main de sa mère et la mienne dans chacune de ses petites mains gluantes, il nous supplia de ne pas nous quereller ainsi, mais de nous aimer, de façon à pouvoir nous retrouver au ciel, où Bully lui avait dit que les gens querelleurs n'allaient point. Sa mère fut très affectée des admonitions du pauvre ange, et moi aussi. Je voudrais qu'elle m'eût permis de suivre le conseil que nous avait donné le petit moribond. Enfin, au bout de 2 jours, il mourut. Il était là, gisant, l'espoir de ma famille, l'orgueil de mon âge mûr, le lien qui nous avait retenus ensemble, moi et Lady Lindon. « Oh, Redmond, » dit-elle en s'agenouillant devant le corps du cher enfant, « de grâce, écoutons la vérité sortie de cette bienheureuse bouche. Amendez-vous et traitez votre pauvre, aimante et tendre femme comme son enfant mourant vous l'a recommandé. Je dis que je le ferai, mais il est des promesses qu'il n'est pas au pouvoir d'un homme de tenir. » Surtout avec une femme comme elle. Mais nous nous rapprochâmes après ce triste événement et fûmes bons amis pour plusieurs mois. Je ne vous raconterai pas avec quelle magnificence nous l'enterrâmes, à quoi servent l'épanage des pompes funèbres et les vanités du blason. J'allais tirer un coup de pistolet au fatal cheval noir qu'il avait tué à la porte du caveau où nous avions déposé mon enfant. J'étais tellement éperdue que j'aurais pu aussi me brûler la cervelle. N'était le crime, il eût peut-être mieux valu que je le fisse. Car qu'a été ma vie depuis que cette aimable fleur a été arrachée à mon sein? Une succession de misères, d'injustices, de désastres et de souffrances morales et physiques, comme il n'en est jamais échu à personne autre dans toute la chrétienté. Lady Lindon, qui avait toujours été tourmentée par ses nerfs et ses vapeurs, après la catastrophe de notre enfant béni, devint plus agitée que jamais et se jeta dans la dévotion avec tant de ferveur qu'il était des moments où vous l'auriez cru presque folle. Elle s'imaginait avoir des visions. Elle prétendait qu'un ange lui avait dit que la mort de Brian était une punition dont le ciel la frappait pour avoir négligé son premier-né. Puis elle déclarait que Bullingdon était vivant. Elle l'avait vu en rêve. Puis à nouveau, elle tombait dans de violents chagrins au sujet de sa mort et le pleurait avec autant d'amertume que si c'eût été lui qui fût mort le dernier et non notre adoré Brian qui, comparé à Bullingdon, était ce qu'un diamant est à une pierre. Ses accès étaient pénibles à voir et difficiles à réprimer. On commença à dire dans le pays que la comtesse devenait folle. Mes gueux d'ennemis ne manquèrent pas de confirmer et d'exagérer ce bruit et ajoutaient que j'étais la cause de sa démence. Je l'avais poussée à l'égarement, j'avais tué Bullingdon, j'avais assassiné mon propre fils. Je ne sais ce qu'ils mettaient encore à ma charge. Leurs odieuses calomnies m'atteignirent jusqu'en Irlande. Mes amis s'éloignèrent de moi, ils commencèrent à déserter mes chasses, comme on avait fait en Angleterre, et quand j'allais à des courses ou à un marché, ils trouvaient de subites raisons pour éviter mon voisinage. Je reçus le nom de Barry le méchant, Lyndon le diable, à votre choix. Les gens de la campagne faisaient de merveilleuses légendes à mon sujet. Les prêtres catholiques disaient que j'avais massacré je ne sais combien de religieuses allemandes dans la guerre de 7 ans, que l'ombre de Bullingdon assassiné hantait ma maison. Un jour, à la foire d'une ville voisine, où j'eus envie d'acheter une veste pour un de mes gens, un drôle qui se tenait là dit « C'est une camisole de force qu'il achète pour Milady Lyndon. » Et de cet incident sortit une légende sur ma cruauté envers ma femme, et on raconta plusieurs détails circonstanciés sur ma manière ingénieuse de la torturer. La perte de mon cher petit garçon ne m'atteignit pas seulement comme père, mais elle porta un préjudice très considérable à mes intérêts personnels. Car, comme il n'y avait plus à présent d'héritier direct de la fortune, et que Lady Lyndon était d'une faible santé et ne paraissait nullement devoir laisser de famille, celle qui devait hériter, cette détestable famille de Tiptoff, commença à m'ennuyer de 100 manières, et se mit à la tête des ennemis qui répandaient des bruits tendant à me discréditer. Ils m'entravèrent dans l'administration de la fortune de 1000 façons différentes, jetant les hauts cris si je coupais un bâton, ouvrais un puits, vendais un tableau, ou envoyais refondre quelques onces de vaisselle plate. Ils me harcelaient de procès continuels, obtenaient des intérêts de sursis de la chancellerie, entravaient mes agents dans l'exécution de leurs ordres, à tel point que vous vous seriez figuré que ce qui était à moi n'était point à moi, mais à eux, et qu'ils en pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Qui pisait, j'ai lieu de croire qu'ils avaient sous mon propre toit des intelligences avec mes propres domestiques, car je ne pouvais pas avoir la moindre discussion avec Lady Lyndon qu'on ne le sût au dehors, ni me griser avec mon chapelain et mes amis que quelques infâmes béats ne s'emparassent de la nouvelle et ne fissent le compte de toutes les bouteilles que j'avais bues et de tous les jurements qui m'étaient échappés. Que le nombre en fût grand, je le reconnais, je suis de l'ancienne école, j'ai toujours été libre dans mes actions et dans mes propos, et, du moins, si je faisais et disais ce qui me plaisait, je n'ai jamais été aussi mauvais que maint gredin de cafard de ma connaissance, qui, à l'abri du soupçon, couvre d'un masque de sainteté ses péchés et ses faiblesses. Puisque je me purge la conscience et que je ne suis point un hypocrite, je puis aussi bien confesser maintenant que je tâche de déjouer les menées de mes ennemis par un artifice qui n'était peut-être pas strictement justifiable. Tout dépendait pour moi d'avoir un héritier de la fortune, car si Lady Lyndon, qui était d'une faible santé, était morte, le lendemain j'étais réduit à la mendicité. Tous mes sacrifices d'argent, etc., pour améliorer le bien, on n'en aurait tenu aucun compte. Toutes les dettes me seraient restées sur le dos, et mes ennemis auraient triomphé, ce qui, pour un homme de cœur honorable comme le mien, était le plus dur de tous les coups, comme a dit quelque poète. Je confesse donc que je voulais supplanter ces coquins, et comme je ne le pouvais faire sans un héritier, je me déterminai à en trouver un. Si je l'avais sous la main, et de mon sang qui plus est, quoique avec la barre sénestre, là n'était pas la question. Ce fut alors que je découvris les indignes machinations de mes ennemis, car, ayant touché un mot de ce plan à Lady Lyndon, dont j'avais fait, au moins en apparence, la plus obéissante des femmes, quoique je ne lui permisse jamais d'écrire ou de recevoir une lettre sans qu'elle me passât sous les yeux, ni de recevoir d'autres personnes que celles que je jugeais être une société convenable pour elle, dans l'état délicat de sa santé. Cependant, cette infernale famille des Tiptoff eut vent de mon projet et protesta aussitôt, non seulement par lettre, mais dans d'ignobles libelles imprimées, et me dénonça à la haine publique comme un forgeur d'enfants, c'est le nom qu'elle me donnait. Comme de raison, je repoussai l'imputation. Je ne pouvais pas faire autrement, et j'offris de me rencontrer sur le champ d'honneur avec n'importe lequel des Tiptoff, et de prouver qu'il était un gredin et un menteur, ce qu'il était effectivement, quoique peut-être pas dans cette circonstance. Mais ils se contentèrent de me répondre par l'entremise d'un homme de loi et déclinèrent une invitation que tout homme de cœur eût acceptée. Mes espérances d'avoir un héritier avortèrent ainsi complètement. Le fait est que Lady Lyndon, quoique, comme j'ai dit, je compte son opposition pour rien, avait résisté à ma proposition avec autant d'énergie qu'en pouvait déployer une femme de sa faiblesse, et dit qu'elle avait commis un grand crime à cause de moi, mais qu'elle aimerait mieux mourir que d'en commettre un autre. J'aurais pu aisément ramener sa seigneurie à la raison néanmoins, mais mon plan était éventé et je ne pouvais plus songer à l'exécuter. Nous aurions eu une douzaine d'enfants légitimes que l'on aurait dit qu'ils étaient supposés. Quant à me procurer de l'argent sur du viager, je puis dire que j'avais absorbé tout celui de ma femme. Il y avait, de mon temps, fort peu de ces compagnies d'assurance qui se sont élevées depuis dans la ville de Londres. C'étaient des individus qui faisaient l'affaire, et la vie de Lady Lyndon était aussi bien connue d'eux que celle, je crois, d'aucune femme de la chrétienté. En dernier lieu, quand je voulus me procurer une somme, les gredins eurent l'impudence de dire que la manière dont je la traitais ne leur laissait pas une année de chance, comme si mon intérêt était de la tuer. Si mon garçon eût vécu, c'eût été bien différent. Sa mère et lui auraient pu entre eux annuler une bonne partie de la substitution et remettre de l'ordre dans mes affaires. À présent, elles étaient vraiment en bien mauvais état. Tous mes plans avaient échoué. Mes terres, que j'avais achetées avec de l'argent d'emprunt, ne me rapportaient rien, et j'étais obligée de payer des intérêts ruineux pour les sommes qu'elles m'avaient coûtées. Mon revenu, quoique considérable, était grevé de centaines d'annuités et de milliers de frais d'hommes de loi, et je me sentais enveloppée de plus en plus dans ce réseau, sans aucun moyen de m'en tirer. Pour ajouter à toutes mes perplexités, 2 ans après la mort de mon pauvre enfant, ma femme, dont je supportais depuis 12 années les bizarreries de caractère et les humeurs extravagantes, voulut me quitter et fit positivement des tentatives pour se soustraire à ce qu'elle appelait ma tyrannie. Ma mère, la seule personne qui, dans mes infortunes, me fût restée fidèle, le fait est qu'elle m'a toujours rendu justice, parlant de moi comme d'un martyr de la coquetterie des autres et d'une victime de ma généreuse et confiante disposition. Ma mère découvrit le complot qui se tramait et dont ces artificieux et malfaisants Tiptoff étaient, comme de coutume, les principaux promoteurs. Mistress Barry, vraiment, malgré sa violence et ses singularités, était inappréciable pour moi dans ma maison, qui aurait été depuis longtemps ruinée de fond en comble sans son esprit d'ordre et de conduite et sans la parfaite intelligence avec laquelle elle gouvernait tout mon monde, qui était fort nombreux. Quant à Milady Lyndon, la pauvre âme, elle était bien trop grande dame pour s'occuper des choses du ménage. Elle passait ses journées avec son médecin ou avec ses livres de piété et ne paraissait jamais parmi nous que contrainte par moi, et alors ma mère et elle étaient sûres d'avoir une querelle. Mistress Barry, au contraire, avait le génie de l'administration. Elle tenait les servantes en haleine et les valets en bride, avait l'œil sur le claret dans la cave et sur l'avoine et le foin dans l'écurie, surveillait les salaisons et les conserves au vinaigre, les approvisionnements de pommes de terre et de tourbe, le cochon qu'on tuait et la volaille, la lingerie et la boulangerie, et les 10 000 minuties d'un grand établissement. Si toutes les ménagères irlandaises étaient comme elle, je réponds que plus d'un feu flamberait là où l'on ne voit maintenant que des toiles d'araignées, et que plus d'un parc serait couvert de gras troupeaux qui, à présent, est presque tout envahi par les chardons. Si quelque chose eût pu me soustraire aux conséquences de la scélératesse d'autrui, et, je le confesse, car je ne regarde pas comme au-dessous de moi d'avouer mes défauts, De mon trop facile, généreux et insouciant caractère, c'eût été l'admirable prudence de cette digne créature. Jamais elle ne se mettait au lit que toute la maison ne fût tranquille et que toutes les chandelles ne fussent éteintes. Et vous pouvez croire que ce n'était pas chose aisée avec un homme de mes habitudes qui avait communément une douzaine de joyeux compagnons, d'artificieux drôles et de faux amis pour la plupart, à boire avec lui chaque nuit et qui, pour sa part, allait rarement se coucher sobre. Maintes et maintes fois, sans que j'eusse conscience de son attention, cette bonne âme m'a tiré mes bottes et m'a vu déposer par mes domestiques dans un bon lit et a emporté elle-même la chandelle et était la première aussi le matin à m'apporter mon verre de petite bière. Ce n'était pas un siècle de poules mouillées que le mien, je vous le garantis. Un gentilhomme ne se faisait pas prier pour boire sa demi-douzaine de bouteilles. Et quant à votre café et à vos rinsures, on les laissait à Lady Lyndon, à son docteur et aux autres vieilles femmes. C'était l'orgueil de ma mère que je puisse boire plus qu'aucun autre homme du pays, autant à une pinte près que mon père avant moi, disait-elle. Que Lady Lyndon la détestât, c'était fort naturel. Elle n'est pas la première personne de son sexe ou du mien qui ait haï une belle-mère. J'avais chargé ma mère de surveiller de près les caprices de sa seigneurie, et c'était, comme vous pensez bien, une des raisons pour lesquelles cette dernière ne l'aimait pas. L'assistance et la surveillance de Mistress Barry étaient pour moi d'un prix inestimable, et j'aurais payé 20 espions pour faire cette besogne que je n'aurais pas été aussi bien servie que par la sollicitude et la vigilance de mon excellente mère. Elle dormait les clés de la maison sous son oreiller et avait l'œil partout. Elle suivait tous les mouvements de la comtesse comme son ombre. Elle trouvait moyen d'avoir connaissance du matin au soir de tout ce que faisait Milady. Si celle-ci se promenait dans le jardin, un regard vigilant observait la porte. Et si elle sortait en voiture, Mistress Barry l'accompagnait et une couple d'hommes de ma livrée étaient à cheval à côté du carrosse afin qu'il ne lui arrivât point de mal. Quoiqu'elle fît des difficultés et voulut garder la chambre dans un silence maussade, j'établis comme règle que nous irions ensemble à l'église dans notre carrosse à 6 chevaux tous les dimanches et qu'elle assisterait au bal des courses avec moi toutes les fois que je n'aurais pas à craindre les maudits recors qui m'assiégeaient. Cela donnait un démenti aux méchantes langues qui disaient que je voulais emprisonner ma femme. Le fait est que, connaissant sa légèreté et voyant l'aversion insensée pour moi et les miens qui commençait à l'emporter en elle sur la tendresse, également insensée peut-être qu'elle avait eu pour moi, j'étais forcée d'être sur mes gardes pour qu'elle ne me faussât point compagnie. Si elle m'eût quittée, j'étais ruinée le lendemain. Cette considération, qui était connue de ma mère, nous obligeait à l'observer de près. Mais, quant à l'emprisonner, je repousse cette imputation avec mépris. Tout homme emprisonne sa femme jusqu'à un certain point. Le monde serait dans un joli état si les femmes pouvaient sortir de chez elles et y rentrer quand il leur plaît. Et surveillant Lady Lyndon, ma femme, je ne faisais qu'exercer l'autorité légitime qui confère à tout mari le droit d'être honoré et obéi. Tel est toutefois l'artifice des femmes qu'en dépit de toute ma vigilance, il est probable que Milady m'aurait échappé si je n'avais pas eu une alliée aussi fine. Car, de même que le proverbe dit que le meilleur moyen d'attraper un voleur est de lui en mettre un autre aux trousses, de même, le meilleur moyen de venir à bout d'une femme est de charger une autre rusée femelle de la garder. On aurait cru que, suivie comme elle l'était, toutes ses lettres lues et toutes ses connaissances strictement surveillées par moi, vivant dans une partie reculée de l'Irlande, loin de sa famille, Lady Lyndon n'avait aucune chance de communiquer avec ses partisans ou de rendre publics ses griefs, comme il lui plaisait de les appeler. Et cependant, elle entretint pendant quelque temps une correspondance à mon nez et organisa subtilement une conspiration pour me fuir, comme il sera dit. Elle avait toujours une passion désordonnée pour la toilette et, comme elle n'était jamais contrecarrée dans ses fantaisies de cette espèce, car je n'épargnais rien pour la contenter, et parmi mes dettes, il y a des mémoires de marchandes de mode pour plusieurs milliers de livres. C'était une continuelle allée et venue de boîtes de Dublin contenant toutes sortes de robes, de bonnets, de volants et de falbalas, selon sa fantaisie. À ses envois étaient joints des lettres de sa marchande de mode en réponse aux commandes de Milady, et le tout passait par mes mains sans éveiller en moi le moindre soupçon pendant quelque temps. Et cependant, ces mêmes papiers, par le facile moyen d'une encre sympathique, contenaient toute la correspondance de sa seigneurie, et Dieu sait, car je fus quelque temps, comme j'ai dit, sans découvrir le tour, quelles accusations contre moi. Mais l'habile mistress Barry remarqua que toujours, avant d'écrire à sa marchande de mode, sa seigneurie avait besoin de citron pour faire, soi-disant, sa boisson. Et ce fait qui me fut rapporté me donna à penser. J'exposai donc une des lettres au feu, et ce noir complot fut démasqué. Je vais donner un échantillon d'une des horribles lettres si artificieuses de cette malheureuse femme. D'une grosse écriture, à lignes espacées, était écrite une série de commandes à sa couturière, indiquant les robes dont Milady avait besoin, la forme à leur donner, les étoffes qu'elle voulait avoir, etc. Elle dressait de longues listes de ce genre, écrivant chaque article à la ligne, de manière à avoir plus de place pour détailler toutes mes cruautés et ses effroyables griefs. Entre ces lignes, elle tenait un journal de sa captivité. Il aurait eu de quoi faire la fortune d'un romancier de ce temps-là que d'en avoir une copie et de la publier sous le titre « L'aimable prisonnière ou le féroce époux » ou tout autre également saisissant et absurde. Ce journal contenait ce qui suit. Lundi. Hier, on m'a forcé d'aller à l'église. Mon odieux, monstrueux, vulgaire dragon de belle-mère, en satin jaune et ruban rouge, prenant la première place dans la voiture, M.L. à la portière, sur le cheval qu'il n'a jamais payé au capitaine Hurdlestone. L'infâme hypocrite m'a mené à notre banc, chapeau bas et mine souriante, et m'a baisé la main quand je suis remontée en voiture après le service, et a caressé mon lévrier italien, le tout afin que le peu de gens réunis là puissent le voir. Le soir, il m'a fait descendre pour faire le thé à sa compagnie, dont les trois quarts, lui compris, étaient ivres comme d'habitude. Ils ont peint en noir la face du ministre, quand sa révérence en était à sa septième bouteille, et dans son état ordinaire d'insensibilité, ils l'ont attaché sur la jument grise, le visage vers la queue. Le dragon femelle a lu toute la soirée jusqu'à l'heure du coucher « The whole duty of man », le devoir complet de l'homme. Et alors qu'elle m'a reconduite à mon appartement, m'y a enfermée, et est allée s'occuper de son abominable fils, qu'elle adore pour sa perversité, je le croirais, comme Sticorax faisait Caliban. Il fallait voir la fureur de ma mère à la lecture de ce passage. Dans le fait, j'ai toujours eu le goût de la plaisanterie. Celle que nous fîmes au ministre fut, je le confesse, telle qu'elle a été décrite ci-dessus. Et j'avais grand soin de donner connaissance à mistress Barry de tous les compliments que lui adressait Lady Lyndon. Le dragon était le nom sous lequel elle était connue dans cette précieuse correspondance. Quelquefois aussi, elle était désignée sous celui de « la sorcière irlandaise ». Quant à moi, c'était « mon geôlier, mon tyran, le noir esprit qui me tient en son pouvoir », et ainsi de suite, dans des termes toujours flatteurs pour mon empire, s'il l'était fort peu pour mon amabilité. Voici un autre extrait de son journal de prison, dans lequel on verra que Milady, quoiqu'elle prétendît n'avoir que de l'indifférence pour mes faits et gestes, avait un œil perçant de femme et pouvait être aussi jalouse qu'une autre. Mercredi. Il y a eu 2 ans aujourd'hui, mon dernier espoir et plaisir dans la vie m'a été enlevé, et mon cher enfant a été appelé au ciel. Y a-t-il rejoint son pauvre frère, que j'ai laissé grandir sans soin à mon côté, et que la tyrannie du monstre auquel je suis unie a poussé à l'exil et peut-être à la mort? Charles Bullingdon, viens au secours d'une malheureuse mère qui reconnaît ses crimes, sa froideur envers toi, et maintenant paye cruellement son erreur. Mais non, il ne peut être en vie. Je suis folle. Ma seule espérance est en vous, mon cousin, vous que j'avais jadis songé à saluer d'un nom plus tendre encore, mon cher George Poynings. Oh, soyez mon chevalier et mon sauveur. le vrai cœur chevaleresque que vous fûtes toujours, et arrachez-moi au fer de l'indigne félon qui me tient captive, arrachez-moi à lui et à Sticorax, la vile sorcière irlandaise, sa mère. » Ici sont des vers, comme sa seigneurie était dans l'habitude d'en composer à la rame, dans lesquels elle se compare à sa bras dans les sept champions et supplie son Georges de l'arracher au dragon, voulant dire Mistress Barry. Je passe la poésie et continue. Même mon pauvre enfant, qui est mort si prématurément en ce triste anniversaire, le tyran qui m'opprime lui avait appris à me mépriser, à me haïr. C'est contrairement à mes ordres, à mes prières, qu'il fit cette course fatale. Quelles souffrances, quelles humiliations j'ai eu à endurer depuis lors. Je suis prisonnière chez moi. Je craindrais d'être empoisonnée si je ne savais que le misérable a un intérêt sordide à me conserver vivante, et que ma mort serait le signal de sa ruine. Mais je n'ose bouger sans mon odieuse, hideuse, ignoble geôlière, l'horrible irlandaise qui poursuit chacun de mes pas. Je suis enfermée la nuit dans ma chambre comme une criminelle, et on ne m'en laisse sortir que lorsqu'il m'est ordonné de me présenter devant mon maître, ordonné à moi pour assister à ses orgies avec ses compagnons et entendre son odieuse conversation lorsqu'il tombe dans la dégoûtante folie de l'ivresse. Il a renoncé à l'apparence même de la constance, lui qui jurait que je pouvais seule l'attacher ou le charmer. Maintenant, il amène ses maîtresses de bas étage jusque sous mes yeux et veut me faire reconnaître comme héritier de ma fortune l'enfant qu'il a d'une autre. Non, je ne m'y soumettrai jamais. Toi seul, mon Georges, mon ami d'enfance, tu seras l'héritier des biens de Lyndon. Pourquoi la destinée ne m'a-t-elle pas unie à toi, au lieu de l'odieux homme qui me tient sous sa domination, et n'a-t-elle pas rendu la pauvre Calista heureuse ? C'est ainsi que ces lettres s'exprimaient de page en page, de l'écriture la plus fine et la plus serrée, et je laisse à juger à tout lecteur sans prévention si celle qui les avait écrites n'était pas la plus sotte et la plus vaine de toutes les créatures, et s'il n'y avait pas nécessité de prendre soin d'elle. Je pourrais transcrire des zones de rhapsodie à Lord George Poynings, son ancienne flamme, dans lesquelles elle lui donnait les noms les plus tendres et lui conjurait de lui trouver un refuge contre ses oppresseurs. Mais le lecteur serait fatigué de les lire comme moi de les copier. Le fait est que cette malheureuse femme avait un tic d'écrire plus long qu'elle n'en voulait dire. Elle était toujours à lire des romans et autres fariboles, se supposant dans des rôles imaginaires, s'égarant dans l'héroïque et le sentimental, et avec aussi peu de cœur qu'aucune femme que j'ai connue, manifestant la plus violente disposition à l'amour. Elle écrivait toujours comme si elle était dans le feu de la passion. J'ai une élégie sur son petit chien, la plus pathétique chose qu'elle ait jamais écrite, et les plus tendres remontrances à Betty, sa femme de chambre favorite, et à sa femme de charge, après une querelle, à une douzaine de connaissances, à chacune desquelles elle s'adressait comme au plus cher ami qu'elle eût au monde, et qu'elle oubliait aussitôt qu'il lui prenait une autre fantaisie. Quant à son amour pour ses enfants, le passage ci-dessus montrera jusqu'à quel point elle était capable de véritables sentiments maternels. La phrase même, où elle rappelle la mort d'un de ses enfants, lui sert à trahir sa personnalité et à assouvir sa rancune contre moi, et elle ne désire rappeler l'autre du tombeau qu'afin qu'il lui soit de quelque utilité à elle-même. Si je me suis conduit sévèrement envers cette femme, en l'éloignant de ces flatteurs qui auraient semé la discorde entre nous et en lui ôtant les moyens de faire mal, qui pourra dire que j'avais tort ? Si jamais femme mérita une camisole de force, ce fut Milady Lyndon. Et j'ai connu dans mon temps des hommes chargés de fer et la tête rasée sur la paille qui n'avaient pas commis la moitié des folies de cette sotte, vaine, infatuée créature. Ma mère fut si irritée des accusations contre moi et contre elle que contenaient ces lettres que j'eus la plus grande difficulté à l'empêcher de découvrir à Lady Lyndon que nous avions connaissance, quelque intérêt que j'eusse comme de raison à le cacher. Car j'avais à cœur de savoir jusqu'où allaient les desseins de ma femme et jusqu'à quel point elle pousserait l'artifice. L'intérêt des lettres allait toujours croissant, comme on dit des romans. La manière dont je la traitais était présentée sous des couleurs à faire frémir. Je ne sais pas de quelle monstruosité elle ne m'accusait pas et quelle misère et privation elle ne prétendait pas subir, tandis qu'elle vivait extrêmement grasse et satisfaite en apparence dans notre maison de Castle Lindon. La lecture des romans et la vanité lui avaient tourné la cervelle. Je ne pouvais pas lui dire une parole rude, et elle en méritait des milliers par jour, je puis vous l'assurer, qu'elle ne déclarait que je la mettais à la torture. Et ma mère ne pouvait lui faire de remontrance qu'elle n'eût aussitôt une attaque de nerfs, dont elle protestait que la digne vieille dame était la cause. À la fin, elle se mit à menacer de se tuer. Et quoique je ne tinsse nullement les couteaux hors de sa portée, que je ne la privasse point de jarretière et que la pharmacie de son docteur restât tout entière à son service, connaissant parfaitement son caractère et sachant qu'il n'était pas de femme moins disposée dans la chrétienté à attenter à ses précieux jours, cependant, ces menaces firent évidemment de l'effet du côté auquel elle s'adressait. Car les paquets de la marchande de mode commencèrent à arriver très fréquemment, et les mémoires qui lui étaient envoyés contenaient des assurances d'assistance prochaine. Le chevaleresque Lord George Poynings accourait au secours de sa cousine et me fit le compliment de dire qu'il espérait délivrer sa chère parente des griffes du plus atroce scélérat qui eût jamais déshonoré l'humanité et que, lorsqu'elle serait libre, des mesures seraient prises pour un divorce motivé sur des cruautés et sur toute espèce de mauvais traitement de ma part. Je fis faire des copies de tous ces précieux documents par mon susnommé parent, filleul et secrétaire, M. Redmond Quinn, présentement le digne agent de la propriété de Castle Lindon. C'était un fils de mon ancienne flamme, Nora, que je lui avais pris dans un accès de générosité, promettant d'avoir soin de son éducation au collège de la Trinité et de pourvoir à toute son existence. Mais après que le jeune homme eut été un an à l'université, les professeurs ne voulurent pas l'admettre à la table ni au cours jusqu'à ce que ses mémoires du collège fussent payées. Et, offensé de cette insolente manière de demander le paiement de cette misérable somme, je leur retirai ma protection et rappelai mon gentilhomme à Castle Lindon, où je me le rendis utile de 100 manières. Du vivant de mon cher petit garçon, il lui servit de précepteur, autant que l'esprit indépendant du pauvre petit le laissait faire. Mais je vous promets que le cher enfant ne se donna jamais beaucoup de mal avec les livres. Ensuite, il tenait les comptes de Mistress Barry, copiait mon interminable correspondance avec mes hommes de loi et les agents de toutes mes diverses propriétés, faisait une partie de piquet ou de tric-trac le soir avec moi et ma mère, ou, étant un garçon assez bien doué, quoiqu'avec le cœur bas d'un rustre, comme il convenait au fils d'un tel père, il accompagnait avec son flageolet l'épinette de Milady Lindon, ou lisait avec elle du français et de l'italien, deux langues que sa seigneurie possédait à fond et où il devint lui-même parfaitement versé. Cela irritait fort ma vigilante vieille mère de les entendre parler ces langues, car, n'en entendant pas un mot, elle disait toujours que c'était quelque complot qu'il tramait. Aussi, pour ennuyer la vieille dame, Lady Lindon ne manquait jamais, quand ils étaient seuls tous les trois, de s'adresser à Quinn dans l'une ou l'autre de ces langues. J'étais parfaitement tranquille quant à la fidélité de ce garçon, car je l'avais élevé, accablé de bienfaits, et de plus, j'avais eu diverses preuves de la confiance qu'il méritait. C'était lui qui m'avait apporté 3 lettres de Lord George en réponse à des plaintes de Milady, et qui était caché entre le cuir et les planches d'un livre que le cabinet de lecture avait envoyé à lire à sa seigneurie. Milady et lui aussi avaient de fréquentes querelles. Elle contrefaisait sa démarche dans ses moments de gaieté, dans ses humeurs hautaines. Elle ne voulait pas s'asseoir à table avec le petit-fils d'un tailleur. « Donnez-moi toute autre compagnie que celle de cette odieux Queen, » disait-elle, quand je proposais qu'il vînt l'amuser avec ses livres et sa flûte. Car, quelque discorde qui régna entre nous, il ne faut pas croire que nous étions toujours à couteau tiré. J'étais parfois attentif pour elle. Il nous arrivait d'être amis ensemble un mois de suite, et puis nous nous querellions pendant 15 jours, puis elle restait un mois chez elle. Détails de ménage qui étaient tous notés à sa manière dans le journal de captivité de sa seigneurie, comme elle l'appelait. Et c'est un joli document. Tantôt elle écrit « Mon monstre a été presque aimable aujourd'hui » ou « Mon chenapan a daigné sourire. » Puis elle éclatait en expressions de haine féroce. mais pour ma pauvre mère, c'était toujours de la haine. C'était « Le dragon femelle est malade aujourd'hui, plutôt ciel qu'elle mourut !» ou « La hideuse vieille poissarde irlandaise m'a régalé aujourd'hui d'un échantillon de son vocabulaire !» et ainsi de suite. Toute phrase qui, lue à Mistress Barry, ou traduite du français et de l'italien, langue dans lesquelles il y en avait beaucoup d'écrites, ne manquait pas de tenir la vieille dame dans une fureur perpétuelle contre l'objet de sa surveillance, et ainsi, j'avais mon chien de garde, comme je l'appelais, toujours en alerte. En traduisant ces langues, le jeune Quinn m'était d'une grande utilité, car j'avais une faible teinture du français, et le hollandais, quand j'étais à l'armée, comme de raison, je le savais bien, mais l'italien, je n'en possédais pas un mot, et j'étais charmée d'avoir à si bon marché un si fidèle interprète. Cet interprète fidèle à si bon marché, ce filleul et ce parent, sur la tête et sur la famille duquel j'avais entassé les bienfaits, essayait en ce moment de me trahir et, depuis plusieurs mois du moins, était ligué avec l'ennemi contre moi. Je crois que la raison pour laquelle il n'avait pas agi plus tôt était le manque de ce grand mobile de toute trahison, l'argent, dont il y avait dans toute ma maison une déplorable disette. Mais aussi, ils tâchèrent de s'en procurer par l'entremise de mon gredin de filleul qui pouvait aller et venir sans exciter de méfiance. Et toutes ces combinaisons furent faites sous nos propres yeux et la chaise de poste commandée et les moyens d'évasion préparés sans que j'eusse aucun soupçon de leur dessein. Un pur hasard me mit au fait de leur plan. Un de mes houilleurs avait une jolie fille, et cette jolie enfant avait pour amoureux, pour bachelor comme on les appelle en Irlande, certains garçons qui faisaient le service de la poste aux lettres pour Castle Lindon. Et Dieu sait que de lettres tourmentantes il m'apportait. Et ce facteur raconta à sa bonne amie comme quoi il avait reçu à la ville un sac d'argent pour Maître Quinn, et comme quoi Tim, le postillon, lui avait dit qu'il devait à une certaine heure amener une chaise jusqu'à l'eau. Et Miss Rooney, qui n'avait pas de secret pour moi, ne put garder le secret, et me demanda ce que je manigançais, quelle pauvre malheureuse j'allais enlever dans la chaise que j'avais commandée et séduire avec l'argent que j'avais fait venir de la ville. Ce fut comme un trait de lumière, et je devinai que le serpent que j'avais réchauffé dans mon sein allait me trahir. Je songeais d'abord à surprendre le couple en flagrant délit d'évasion, à les noyer à moitié lorsqu'ils passeraient le bac pour gagner leur chaise et à brûler la cervelle au perfide sous les yeux de Lady Lindon. Mais, après réflexion, il était évident que la nouvelle de l'évasion ferait du bruit dans le pays, qu'elle m'attirerait sur les bras les gens de justice, que Dieu confonde, et que le tout finirait mal pour moi. Je fus donc obligée d'étouffer ma juste indignation et de me contenter d'écraser dans l'œuf cet infâme complot. Je rentrai, et au bout d'une demi-heure, avec quelques-uns de mes terribles regards, je l'ai dit Lindon à mes genoux, me suppliant de lui pardonner, faisant une pleine et entière confession, toute prête à jurer qu'elle ne recommencerait jamais une tentative semblable, et déclarant qu'elle avait été 50 fois sur le point de m'avouer tout, mais qu'elle avait craint mon ressentiment envers ce pauvre jeune homme, son complice, qui était, dans le fait, l'auteur et l'inventeur de tout le mal. Quoique je susse parfaitement à quoi m'en tenir sur la fausseté de ses paroles, je fus forcée de faire semblant d'y croire. Je l'engageai donc à écrire à son cousin Lord George, qui lui avait fourni de l'argent, elle en convenait, et avec qui le plan avait été concerté, pour lui dire brièvement qu'elle avait changé d'avis au sujet de la partie de campagne projetée, et que, comme son cher mari était un peu indisposé, elle préférait rester à le soigner. J'ajoutai un post-scriptum fort sec, où je disais que sa seigneurie me ferait grand plaisir si elle voulait venir nous voir à Castle Lindon, et que je brûlais de renouveler une connaissance qui m'avait procuré jadis tant de satisfaction. J'irai le chercher, ajoutai-je, aussitôt que je serai dans son voisinage, et je me promettais un vif plaisir de ma rencontre avec lui. Je crois qu'il dut parfaitement bien comprendre le sens de mes paroles, qui était qu'à la première occasion je lui passerais mon épée au travers du corps. Ensuite, j'eus une scène avec mon perfide gredin de neveu, dans laquelle le jeune réprouvé montra une audace et une énergie que je n'attendais nullement. Quand je le taxai d'ingratitude, « Qu'est-ce que je vous dois ? » dit-il. « J'ai travaillé pour vous comme nul homme ne l'a fait pour un autre, et cela sans un sou de salaire. C'est vous-même qui m'avez soulevé contre vous, en me donnant une tâche contre laquelle mon âme s'est révoltée, en me faisant espionner votre infortunée femme, dont la faiblesse est aussi déplorable que le sont ses malheurs et vos infâmes traitements. Il faudrait n'avoir pas de sang dans les veines pour supporter de voir comme vous en usez avec elle. J'ai essayé de l'aider à vous échapper, et je le ferais encore si l'occasion s'en présentait, je vous le déclare en face. Quand je le menaçais de lui faire sauter la cervelle pour son insolence, « Bah, dit-il, tu es l'homme qui sauva jadis la vie de votre pauvre enfant et qui s'efforçait de le préserver de la ruine et de la perdition où l'entraînait son coupable père. Quand une puissance miséricordieuse est intervenue et l'a retiré de ce séjour de crime. Il y a plusieurs mois que je vous aurais quitté, si je n'avais compté sur quelque chance de sauver cette pauvre dame. J'ai juré de le tenter le jour où je vous vis la frapper. Tuez-moi, homme brave avec les femmes. Vous le feriez si vous l'osiez. Mais vous n'en avez pas le cœur. Vos propres domestiques me sont plus attachés qu'à vous. Touchez-moi, et ils se lèveront et vous enverront à la potence que vous méritez. » J'interrompis ce charmant discours en lançant à la tête du jeune homme une carafe qui le jeta à terre. Et alors, j'allais méditer sur ce qu'il m'avait dit. Il était vrai qu'il avait sauvé la vie du pauvre petit Brian et que l'enfant l'aimait tendrement. « Soyez bon pour Edmond, papa !» étaient presque les dernières paroles qu'il prononçait. Et j'avais promis au pauvre enfant, sur son lit de mort, de faire ce qu'il me demandait. Il était vrai aussi que, si je le traitais mal, cela ne serait pas vu de bon œil par mes gens, dont il avait trouvé le moyen de devenir le grand favori. Tandis que moi, je ne sais pourquoi, j'avais beau me griser souvent avec ces drôles et être plus familier avec eux que ne l'est d'ordinaire un homme de mon rang, je savais n'être pas bien vu d'eux, et que les faquins murmuraient continuellement contre moi. Mais j'aurais pu m'épargner la peine de délibérer sur son sort, car notre jeune homme en disposa lui-même de la façon la plus simple du monde, à savoir en se lavant, en se bandant la tête dès qu'il revint à lui, en prenant son cheval dans l'écurie, et, comme il était libre d'aller et venir dans la maison et dans le parc à sa fantaisie, il disparut sans le moindre empêchement. Et, laissant le cheval au bac, il partit dans la chaise de poste même qui attendait Lady Lyndon. De longtemps je ne le vis ni n'entendis parler de lui. Une fois hors de la maison, je ne le considérais pas comme un ennemi fort inquiétant. Mais l'artifice de la femme est tel qu'à la longue, je crois que Machiavel en personne ne saurait y échapper. Et quoique dans la circonstance ci-dessus, où les perfides desseins de ma femme avaient été déjoués par ma prévoyance et par sa propre écriture, j'eusse d'ample preuve de la fausseté de son caractère et de sa haine contre moi, cependant, elle parvint encore à me tromper, en dépit de toutes mes précautions et de la vigilance de ma mère. Si j'eusse suivi les conseils de cette bonne dame, qui flairait le danger d'une lieue pour ainsi dire, je ne serais point tombée dans le piège qui m'était tendu et qui le fut d'une manière aussi heureuse qu'elle était simple. Les relations de Milady Lyndon avec moi étaient singulières. Sa vie se passait dans une sorte d'extravagante alternative d'amour et d'aversion pour moi. Si j'étais de bonne humeur avec elle, ce qui arrivait quelquefois, il n'était rien qu'elle ne fît pour entretenir et accroître ses bonnes dispositions, et elle était aussi absurde et véhémente dans ses expressions de tendresse qu'elle l'était, à d'autres moments, dans ses démonstrations de haine. Ce ne sont pas les faibles et faciles époux qui sont les plus aimés, d'après mon expérience. Je crois que les femmes préfèrent un peu de violence de caractère et ne pensent pas plus mal d'un mari parce qu'il exerce son autorité haut la main. J'avais su faire une telle peur de moi à Milady que, lorsque je souriais, c'était vraiment une ère de bonheur pour elle. Et, sur un signe de mon doigt, elle arrivait en rampant comme un chien. Je me souviens que, pendant le peu de jours que je passais à l'école, je voyais rire mes plats et lâches camarades dès que notre maître daignait faire une plaisanterie. Il en était de même au régiment, toutes les fois qu'un matamore de sergent était disposé à être jovial, et il n'y avait pas une bouche de conscrit qui ne se fendît jusqu'aux oreilles. Eh bien, un mari sensé et résolu amènera sa femme à cet état de discipline. Et j'amenais, moi, la mienne, toute grande dame qu'elle était, à me baiser la main, à me tirer mes bottes, à aller et venir pour moi comme une servante, et, qui plus est, à être aux anges quand j'étais de bonne humeur. Je me fiais trop peut-être à la durée de cette obéissance passive et j'oubliais que l'hypocrisie même qui en fait partie, tous les gens timides sont menteurs dans l'âme, peut s'exercer d'une façon qui n'est rien moins qu'agréable afin de vous tromper. Après le mauvais succès de sa dernière aventure, qui me fournit d'inépuisables occasions de la railler, on aurait pu croire que je me méfierais de ses intentions réelles. Mais elle trouva moyen de me fourvoyer avec un art de dissimulation tout à fait admirable et m'endormit dans une funeste sécurité, car, un jour que je la plaisantais et lui demandais si elle voulait encore passer l'eau, si elle avait trouvé un autre amoureux, etc., elle fondit soudain en larmes et, me saisissant la main, elle s'écria avec véhémence « Oh, Barry, vous savez bien que je n'ai jamais aimé que vous. Ai-je jamais été si malheureuse qu'un mot aimable de vous ne m'ait rendu le bonheur? Jamais si irritée que le moindre témoignage de votre bon vouloir ne m'ait ramené près de vous? Ne vous ai-je pas donné une preuve suffisante de mon affection en vous apportant une des premières fortunes d'Angleterre? Avez-vous entendu de moi des plaintes ou des reproches sur la manière dont vous l'aviez dissipée? Non, je vous aimais trop, trop tendrement. Je vous ai toujours aimé. Du premier moment où je vous ai vu, je me suis sentie attirée irrésistiblement vers vous. Je voyais vos mauvaises qualités et tremblais de votre violence, mais je ne pouvais m'empêcher de vous aimer. Je vous ai épousée, quoique sachant que c'était signé mon arrêt de le faire et en dépit de la raison ou du devoir. Quel sacrifice voulez-vous de moi? Je suis prête à tout, pourvu que vous m'aimiez, ou du moins que vous me traitiez avec douceur. » J'étais particulièrement de bonne humeur ce jour-là, et nous eûmes une sorte de réconciliation, quoique ma mère, lorsqu'elle entendit ce discours et qu'elle vit que je faiblissais, m'eût averti solennellement et m'eût dit « Soyez-en sûre, la rusée drôlesse a en ce moment même quelque autre plan en tête. » La vieille dame avait raison, et je gobais l'amorce que me tendait sa seigneurie aussi bêtement qu'un goujon se prend à l'hameçon. J'avais essayé de négocier avec un homme un emprunt dont j'avais un besoin pressant, mais depuis notre dispute au sujet de l'affaire de la succession, Milady avait résolument refusé de signer aucun papier à mon avantage, et sans son nom, je suis fâchée de le dire, le mien avait peu de valeur sur la place, et je ne pouvais obtenir une guinée d'aucun prêteur d'argent de Londres ou de Dublin. Je ne pouvais pas non plus décider les drôles de cette dernière ville à me venir trouver à Castle Lindon, à cause de la malheureuse affaire que j'avais eue avec l'homme de loi Sharp, où je me fis prêter par lui de l'argent qu'il apportait, et le vieux juif Salomon ayant été volé, au retour de chez moi, du billet que je lui avais fait, nos gens ne voulaient plus s'aventurer dans ma maison. Nos rentes aussi étaient touchées par des receveurs à cette époque, et c'était tout ce que je pouvais faire que d'obtenir de ces coquins assez d'argent pour payer les mémoires de mes marchands de vin. Nos propriétés anglaises, comme j'ai dit, étaient pareillement engagées, et chaque fois que je m'adressais à mes hommes de loi et à mes agents pour avoir de l'argent, ils me répondaient, par une demande semblable, motivés sur des dettes et de prétendus droits que cette canaille rapace disait avoir à faire valoir contre moi. Ce fut alors que je reçus, avec un certain plaisir, une lettre de mon homme de confiance de Grace Inn à Londres, où il était dit, en réponse à une 99e lettre de moi, qu'il pensait pouvoir me procurer quelque argent, et où était incluse une lettre d'une maison respectable de la cité de Londres, et s'occupant d'affaires de mine, laquelle offrait de dégager, moyennant un long bail, certaines propriétés à nous qui n'étaient pas encore trop grévées, pourvu que la comtesse donnât sa signature et qu'on eût la certitude que c'était de son plein et libre arbitre. Ils avaient entendu dire qu'elle vivait dans la terreur, croyant sa vie menacée par moi, et qu'elle méditait une séparation, auquel cas elle pourrait désavouer tout acte signé par elle durant sa captivité et exposer les contractants à une procédure dont les résultats seraient incertains et les frais considérables. Et ils demandaient à être rassurés de la parfaite liberté d'action de sa seigneurie avant d'avancer un shilling de leur capital. Leurs conditions étaient si exorbitantes que je vis tout de suite que leur offre devait être sincère, et comme Milady était dans une disposition gracieuse, je lui persuadai sans peine d'écrire une lettre de sa propre main pour déclarer que ce que l'on disait de notre mésintelligence était une pure calomnie et que nous vivions en parfaite harmonie et qu'elle était toute prête à signer tel acte que son mari pourrait désirer. Cette proposition venait fort à propos et me remplissait d'espérance. Je n'ai pas ennuyé mes lecteurs du détail de mes dettes et de mes procès, qui étaient à cette époque si nombreux et si compliqués que je n'y ai jamais vu bien clair moi-même, et que j'en étais harcelé à en perdre la tête. Qu'il me suffise de dire que je n'avais plus ni argent ni crédit. Je vivais à Castle Lindon de mon bœuf et de mon mouton, du pain, de la tourbe et des pommes de terre de mon propre domaine. J'avais un œil sur Lady Lindon au-dedans et l'autre sur les records du dehors. Depuis 2 ans, depuis que j'avais été à Dublin touché de l'argent que j'avais eu le malheur d'y perdre au jeu, au grand désappointement de mes créanciers, je ne m'étais pas aventuré à me montrer dans cette ville, et tout ce que je pouvais faire, c'était de paraître au chef-lieu de notre comté à de rares intervalles, et parce que je connaissais les shérifs que j'avais juré de tuer s'il m'arrivait aucun malheur. La perspective d'un bon emprunt était donc aussi bienvenue que possible, et je la saluai avec toute l'ardeur imaginable. En réponse à la lettre de Lady Lindon, arriva une autre lettre de ces maudits négociants de Londres, disant que, si sa seigneurie voulait confirmer de vive voix à leur comptoir de Birchin Lane, Londres, ce qu'elle leur avait écrit, sans doute, examen fait de la propriété, ils concluraient l'affaire. Mais il refusait de courir le risque d'une visite à Castle Lindon pour négocier, sachant comment y avaient été traitées d'autres personnes respectables, telles que messieurs Sharp et Salomon de Dublin. Ceci était à mon adresse, mais il est des situations où on ne peut pas imposer ces conditions, et ma foi, j'avais un tel besoin d'argent que j'aurais pu signer un engagement avec Satan lui-même s'il s'était présenté muni d'une bonne somme bien ronde. Je résolus de mener la comtesse à Londres. Ce fut en vain que ma mère me supplia et m'avertit. « Soyez-en sûre, dit-elle, il y a là-dessous quelque artifice. Une fois dans cette maudite ville, vous n'êtes plus en sûreté. Ici, vous pouvez vivre des siècles dans le luxe et la splendeur, sauf le carré et les fenêtres brisées. Mais dès qu'ils vous tiendront à Londres, ils seront maîtres de mon pauvre innocent garçon. » Et la première chose que j'apprendrai de vous, c'est que vous êtes dans l'ennui. « Pourquoi y aller, Redmond ? » dit ma femme. « Je suis heureuse ici, tant que vous serez bon pour moi comme vous l'êtes maintenant. Nous ne pouvons faire à Londres la figure que nous devrions. Le peu d'argent que vous recevez sera dépensé comme l'a été le reste. Faisons-nous bergers et bergères, gardons nos troupeaux et soyons contents. » Et elle me prit la main et la baisa, tandis que ma mère se bornait à dire « Je la crois du complot, l'infâme traîtresse. » Je dis à ma femme qu'elle était une bête, j'invitai Mistress Barry à ne pas s'inquiéter, j'avais à cœur de partir et ne voulus entendre à rien. Comment me procurer l'argent du voyage, là était la question. Mais la difficulté fut levée par ma bonne mère, qui était toujours prête à m'aider dans l'embarras, et qui tira d'un bas 60 guinées, qui était tout l'argent comptant dont pouvait disposer Barry Lindon de Castle Lindon, qui avait épousé une fortune de 20 000 livres sterling de rente. Tant avait été grand le ravage fait dans cette belle fortune, par ma propre extravagance, je dois le confesser, mais surtout par ma confiance si mal placée et par la scélératesse des autres. Nous ne partîmes pas en grand apparat, comme vous pouvez bien le penser. Nous ne laissâmes pas savoir dans le pays que nous partions et ne fîmes pas d'adieu à nos voisins. Le fameux monsieur Barry Lindon et sa noble épouse se rendirent à Waterford en chaise de louage à 2 chevaux, sous le nom de monsieur et mistress Jones, et de là s'embarquèrent pour Bristol, où ils arrivèrent sans accident. Quand un homme va au diable, comme le voyage est facile et agréable. L'idée de cet argent me mit tout à fait de bonne humeur, et ma femme, appuyée sur mon épaule dans la chaise de poste qui nous menait à Londres, dit que c'était le voyage le plus heureux qu'elle ait fait depuis notre mariage. Un soir, nous nous arrêtâmes à Reading, où j'envoyai un billet à mon agent de Grace Inn pour lui dire que je serais auprès de lui dans la journée du lendemain et le prier de me procurer un logement et de hâter les préparatifs de l'emprunt. Milady et moi nous convînmes que nous irions en France attendre de meilleurs temps Et ce soir-là, à souper, nous fîmes une vingtaine de projets de plaisir et d'économie. Vous nous auriez pris pour Philémon et Baucis, soupant ensemble. Ô femme, femme, quand je me rappelle les sourires et les cajoleries de Lady Lyndon, combien elle semblait heureuse ce soir-là. Quel air d'innocente confiance elle avait dans son maintien et de quels noms affectueux elle m'appelait. Je suis confondue de la profondeur de son hypocrisie. Qui peut s'étonner qu'une personne aussi peu soupçonneuse que moi ait été victime d'une fourbe si consommée? Nous étions à Londres à 3 heures et, une demi-heure avant celle du rendez-vous, notre chaise nous mena à Gray's Inn. Je trouvai sans peine l'appartement de M. Tapwell. C'était un antre obscur et malheureuse fut l'heure où j'y entrai. Comme nous montions ce sale escalier de derrière, éclairé par une faible lampe et par le sombre ciel d'une lugubre après-midi de Londres, ma femme parut agitée et défaillante. « Redmond, dit-elle, quand nous arrivâmes à la porte, n'entrez pas. Je suis sûre qu'il y a du danger. Il est temps encore. Retournons-nous-en en Irlande, n'importe où. » Elle se mit devant la porte, dans une de ses attitudes théâtrales, et me prit la main. Je l'écartai. « Lady Lyndon, dis-je, vous êtes une vieille bête. »« Vieille bête ? » dit-elle, et elle sauta sur la sonnette, à laquelle répondit promptement un homme qui avait l'air moisi, en perruque non poudrée, auquel elle cria « Dites que Lady Lyndon est ici !» Et elle traversa à grands pas le couloir en murmurant « Vieille bête !» C'était l'épithète de vieille qui l'avait piquée. J'aurais pu lui donner impunément tout autre nom que celui-là. Monsieur Tapwell était dans une chambre qui sentait le renfermer, entourée de ses parchemins et de ses boîtes d'étain. Il s'avança et salua, pria sa seigneurie de s'asseoir, me montra de la main une chaise, que je pris, assez surpris de son insolence, puis sortit par une porte de côté, disant qu'il allait revenir dans un instant. Et en effet, il revint, dans un instant, ayant avec lui, qui, croyez-vous ? Un autre homme de loi, six constables en veste rouge, avec gourdin et pistolet, Milord George Poynings et sa tante Lady Jane Peckover. Quand Milady Lyndon vit son ancien amoureux, elle s'élança dans ses bras avec une impétuosité nerveuse. Elle l'appela son sauveur, son libérateur, son galant chevalier. Et alors, se tournant vers moi, m'accabla d'un torrent d'invectives dont je fus tout stupéfait. « Toute vieille bête que je suis, dit-elle, j'ai dupé le monstre le plus habile et le plus traître qu'il y ait sous le soleil. Oui, j'étais une bête quand je vous ai épousée et que pour vous j'ai abandonné d'autres plus nobles cœurs. Oui, j'étais une bête quand j'ai oublié mon nom et ma naissance pour m'unir à un aventurier de basse extraction. Une bête de supporter, sans me plaindre, la plus monstrueuse tyrannie que jamais femme ait endurée, de laisser dissiper ma fortune, de voir des femmes aussi viles et d'aussi bas étage que vous. Pour l'amour du ciel, soyez calme !» s'écria l'homme de loi. Et il recula précipitamment derrière les constables, voyant dans mon œil un regard menaçant que le coquin n'aimait pas. Le fait est que j'aurais pu le mettre en pièces s'il fût venu près de moi. Pendant ce temps, Milady continuait dans sa fureur de déblatérer à tort et à travers contre moi, et contre ma mère surtout, qu'elle accablait d'injures dignes d'une harengère, et commençant toujours et finissant ses phrases par le mot de « bête ». « Vous ne répétez pas tout, Milady, répartis-je amèrement. J'ai dit « vieille bête ». Je ne doute pas que vous n'ayez dit et fait, monsieur, tout ce qu'un chenapan peut dire ou faire, dit à son tour le petit Poynings. Madame est maintenant en sûreté sous la protection de ses parents et de la loi, et n'a plus à craindre vos infâmes persécutions. Mais vous, n'êtes pas en sûreté, criai-je. Et aussi vrai que je suis homme d'honneur et que j'ai déjà eu de votre sang, j'aurai cette fois celui de votre cœur. » Prenez note de ces paroles, constable. Faites-lui prêter serment de ne pas se battre, s'écria le petit homme de loi de derrière ses estafiers. Je ne voudrais pas souiller mon épée du sang d'un tel gredin, cria Milord, comptant sur la même vaillante protection. Si le drôle reste à Londres encore un jour, il sera arrêté comme escroc. Et cette menace, effectivement, me fit reculer, car je savais qu'il y avait des vingtaines de prises de corps contre moi en ville, et qu'une fois en prison, mon cas était désespéré. « Où est l'homme qui m'arrêtera ? » m'écriai-je, tirant mon épée et m'adossant à la porte. « Qu'il vienne, le drôle ! Vous, vous, lâche fanfaron, venez le premier si vous avez du cœur !»« Nous n'allons pas vous arrêter ?» dit l'homme de loi, Milady, sa tante et une division de recors se retirant comme il parlait. « Mon cher monsieur, nous ne désirons point vous arrêter. Nous vous donnerons une bonne somme pour quitter le pays. Seulement, laissez sa seigneurie en paix. » « Et ce sera un bon débarras pour le pays que le départ d'un tel misérable !» dit Milord en se retirant aussi, assez satisfait d'être hors de ma portée. Et le coquin d'homme de loi le suivit, me laissant en possession de la chambre et en compagnie de 3 buteurs de la police qui étaient armés jusqu'aux dents. Je n'étais plus le même homme qu'à 20 ans, où j'aurais chargé ces gredins l'épée à la main et en aurais envoyé au moins un rendre ses comptes. J'étais découragée, prise au trébuchet, complètement jouée et battue par cette femme. Était-ce qu'elle s'attendrissait lorsqu'elle s'arrêta à la porte et me demanda de nous en retourner ? N'avait-elle pas encore un reste d'amour pour moi ? Sa conduite le montrait, quand je vins à y réfléchir. C'était la seule chance que j'eusse au monde. Je posai donc mon épée sur le bureau de l'homme de loi. « Messieurs, dis-je, je n'userai pas de violence. Vous pouvez dire à M. Tapouel que je suis prête à lui parler quand il aura le loisir de m'entendre. » Et je m'assis, les bras croisés, d'un air tout à fait pacifique. Quelle différence avec le Barry Lyndon d'autrefois. Mais, comme j'ai lu dans un vieux livre au sujet d'Hannibal, le général carthaginois, ses troupes qui, lorsqu'il attaqua les Romains, étaient les plus vaillantes du monde et emportaient tout devant elles, entrèrent en cantonnement dans une ville où elles furent si gorgées de toutes les jouissances de la vie qu'elles furent aisément battues à la campagne suivante. Il en était ainsi de moi à présent. Ma force d'âme et de corps n'était plus celle de ce brave jeune qui, à 15 ans, avait tué son homme et, dans les 6 années d'après, avait assisté à une 20aine de batailles. Maintenant, dans la prison de la Flite, où j'écris ceci, il y a un petit homme qui est toujours à se railler et à se jouer de moi, qui me propose de se battre avec lui, et je n'ai pas le courage de le toucher. Mais j'anticipe sur les sombres et déplorables événements de mon humiliante histoire, et je ferai mieux de procéder par ordre. Je pris un logement dans un café de Gray's Inn, ayant soin de faire savoir mon adresse à M. Tapouel, en attendant avec anxiété sa visite. Il vint et m'apporta les conditions que me proposaient les amis de Lady Lyndon. Une misérable pension annuelle de 300 livres sterling, payable à condition que je resterais hors des 3 royaumes et qu'elle cesserait aussitôt mon retour. Il me dit que je savais fort bien que mon séjour à Londres me plongerait infailliblement en prison, qu'il y avait d'innombrables prises de corps décernées contre moi, ici et dans l'ouest de l'Angleterre, que mon crédit était tellement détruit par là que je ne pouvais espérer de me procurer un shilling, et il me laissa une nuit pour réfléchir sur sa proposition, disant que, si je la refusais, la famille aurait recours aux tribunaux. Si je l'acceptais, un trimestre me serait payé dans tel port étranger que je préférerais. Qu'avait à faire le pauvre homme, seul et le cœur brisé ? J'acceptai la pension et je fus déclaré proscrit dans le cours de la semaine suivante. Ce gredin de Queen avait été, après tout, je le reconnus, la cause de ma perte. Ce fut lui qui inventa le plan pour m'attirer à Londres, scellant la lettre du procureur d'un sceau qui avait été précédemment convenu entre lui et la comtesse. Il avait même été toujours pour ce plan et l'avait proposé dès le principe. Mais sa seigneurie, avec son amour désordonné pour le romanesque, avait préféré le projet d'évasion. Ces particularités me furent mandées par ma mère dans mon exil solitaire, qu'elle m'offrait en même temps de venir partager, mais je déclinai la proposition. Elle quitta fort peu de temps après moi Castle Lyndon, et le silence régna dans ce château qui, sous son autorité, s'était signalé par tant d'hospitalité et de splendeur. Elle croyait ne jamais me revoir, et me reprocha amèrement de la négliger. Mais elle se trompait en cela comme dans le jugement qu'elle portait sur moi. Elle est très vieille, et en ce moment elle est assise, travaillant près de moi, dans la prison, et elle a une chambre dans Fleet Market, de l'autre côté de la chaussée, et la rente viagère de 50 livres, qu'elle a su conserver avec une sage prudence, nous aide à mener une existence misérable, tout à fait indigne du fameux et fashionable Barry Lyndon. Les mémoires de M. Barry Lyndon ne vont pas plus loin. La main de la mort en interrompit en cet endroit l'ingénieux auteur, après 19 ans de séjour dans la prison de la Fleet, dont les registres constatent qu'il mourut du délirium très mince. Sa mère atteignit un âge prodigieusement avancé, et les habitants du lieu qui l'ont connu se rappellent fidèlement les disputes quotidiennes qui s'élevaient entre la mère et le fils, jusqu'au jour où ce dernier, par suite de ses habitudes d'ivrognerie, tombant dans un état voisin de l'imbécilité, fut soigné presque comme un petit enfant par sa robuste vieille mère et pleurait lorsqu'il était privé de son indispensable verre d'eau-de-vie. Nous ne sommes pas à même de suivre pas à pas la vie qu'il mena sur le continent. Il paraît avoir repris son ancienne profession de joueur, mais sans ses anciens succès. Il retourna secrètement en Angleterre au bout de quelque temps et fit une infructueuse tentative pour extorquer de l'argent à Lord George Poynings en le menaçant de publier sa correspondance avec Lady Lyndon et d'empêcher le mariage de sa seigneurie avec Miss Driver, grande héritière à principes sévères et immensément riche en esclaves dans les Indes occidentales. Il s'en fallut bien peu que Barry ne fût arrêté par les recours qu'avait lancés sur lui sa seigneurie, qui voulait lui supprimer sa pension. Mais sa femme ne voulut pas consentir à cet acte de justice, et même elle rompit avec Milord George lorsqu'il épousa la dame des Indes occidentales. Le fait est que la vieille comtesse croyait ses charmes éternels et qu'elle ne cessa jamais d'aimer son mari. Elle vivait à Bath, ses biens étant tout particulièrement soignés par ses nobles parents les Tiptoff, à qui il devait revenir à défaut d'héritier direct. Et telle était l'adresse de Barry et l'influence qu'il conservait encore sur cette femme, qu'il lui avait presque persuadé de revenir vivre avec lui, lorsque leur plan à tous deux fut dérangé par l'apparition d'une personne qu'on croyait morte depuis plusieurs années. Cette personne n'était autre que le vicomte Bullingdon, qui ressuscita, à la surprise de tous, et principalement de celle de son parent de la maison de Tiptoff. Ce jeune seigneur fit son apparition à Bath, muni de la lettre de Barry à Lord George, où le premier menaçait de divulguer sa liaison avec Lady Lyndon. Liaison, nous n'avons pas besoin de le dire, qui ne jetait pas le moindre déshonneur sur aucune des deux parties, et prouvait seulement que Milady avait l'habitude d'écrire des lettres extrêmement sottes, comme beaucoup de femmes et même d'hommes ont fait avant elle. Pour avoir mis en question l'honneur de sa mère, Lord Bullingdon se livra à des voies de fait contre son beau-père, qui vivait à Bath sous le nom de Monsieur Jones, et lui administra une terrible correction dans le salon de conversation. L'histoire du jeune homme, depuis son départ, était un roman que nous ne nous considérons pas comme tenu de raconter. Il avait été blessé dans la guerre d'Amérique, cru mort, fait prisonnier et s'était échappé. L'argent qu'on lui avait promis n'avait jamais été envoyé. La pensée de cette négligence avait presque brisé le cœur de ce fougueux et romanesque jeune homme, et il résolut de demeurer mort, pour le monde du moins, et pour la mère qu'il avait reniée. Ce fut dans un bois du Canada, et 3 années après cet événement, qu'il vit la mort de son demi-frère insérée dans le Gentleman's Magazine, sous le titre de « Fatal accident arrivé à Lord Vicomte Castle Lyndon ». Sur quoi il se détermina à revenir en Angleterre où, quoiqu'il se fût fait reconnaître, ce fut avec une très grande difficulté qu'il convainquit Lord Tiptoff de l'authenticité de ses droits. Il allait rendre visite à sa mère à Bath lorsqu'il reconnut M. Barry Lyndon, en dépit du modeste déguisement que portait ce gentilhomme, et il vengea sur lui les insultes des anciens jours. Lady Lyndon fut furieuse lorsqu'elle sut cette rencontre. Elle refusa de voir son fils et voulait se jeter sur le champ dans les bras de son adoré Barry. Mais, dans l'intervalle, Ce gentilhomme avait été transféré de prison en prison jusqu'à ce qu'il fût déposé aux mains de M. Bendigo de Chancery Lane, assistant du shérif de Middlesex, de chez qui il alla à la prison de la Fleet. Le shérif et son assistant, le prisonnier et la prison elle-même n'existent plus aujourd'hui. Tant que vécut Lady Lyndon, Barry toucha sa pension et fut peut-être aussi heureux en prison qu'à aucune époque de son existence. Quand sa seigneurie mourut, son héritier supprima impitoyablement la rente, consacrant la somme à des charités, ce qui en serait, dit-il, un meilleur emploi que de la laisser aux misérables qui en avaient joui jusqu'alors. À la mort du Lord, dans la guerre d'Espagne, en 1811, sa fortune échut à la famille des Tiptoff, et son titre s'absorba dans leur titre supérieur. Mais il ne paraît pas que le marquis de Tiptoff, Lord George, succéda au titre à la mort de son frère, et rétablit la pension de M. Barry, ni continuait les charités que le feu Lord avait fondées. La fortune fut considérablement améliorée sous la soigneuse administration de sa seigneurie. Les arbres de Bracton Park ont tous environ 40 ans, et la propriété irlandaise est louée en toute petite ferme aux paysans, qui racontent encore aux étrangers les histoires de l'audace, de la diablerie, de la perversité et de la chute de Barry Lyndon.